L'un d'eux dit : Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposés à agir au fond du puits afin que quelque caravane le recueille.